Deuxième partie. Guy et Marie-Claire arrivent chez les Louviers. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Cette espèce de robe. Je ne voudrais jamais porter une robe comme ça. Ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous la donner. Elle est à moi. Et toi, Guy, ça va? Tu as bonne mine, mais tu pourrais grossir un peu. Oh non, au contraire, je voudrais maigrir. Les femmes n'aiment pas les hommes maigres. Pardon, je n'aime pas les gros. Allons, Marie-Claire, regarde mon mari. Il n'est pas maigre, c'est un bel homme. Tenez, le voilà. Bonjour, Marie-Claire. Bonjour, Guy. Et Georges, ça va? Oui, il est dans sa chambre, avec une de ses amies. Pierre, va donc leur dire de venir voir Guy et Marie-Claire. Bon. Le repas est prêt, je sers immédiatement. Allons, Pierre, va vite le leur dire. Bon, bon, j'y vais. Marie-Claire, Guy, si vous voulez vous laver les mains. Allons vite, tout le monde à table.